Ça me passe tout. Exact. We'll be right back. putain. Ok, stop. Mauvaise idée. Je rêvais tout pour Titi. 1, 2, 3, 4. Je rêvais de notre monde où la terre serait. We'll be right back. Thank you. Qual é a música aí, velho? Thank you.